Thank you. sur Étienne, mais seulement à Cuba. Oui, à Cuba ou à Athènes, on passe à qui, on passe à rien. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes, mais ça n'importe pas. Ce n'est pas vraiment que j'y tienne. Thank you.